Chapitre 11e. Quelques jours plus tard, Antoinette, qui était allée faire des courses à Nancy, rencontra chez le pâtissier où elle goûtait Madame de Prailles et ses filles. Ne sachant de quoi leur parler, elle leur demanda si elles s'étaient amusées à Liverdun. Les deux jeunes filles répondirent qu'elles s'étaient beaucoup amusées. La mère déclara que ça manquait de cavaliers. « Mais, dit la comtesse, je croyais qu'en faisant la liste des invitations au pique-nique, vous vous étiez arrangé pour qu'il y eût un nombre égal d'hommes et de femmes. Oui, mais il nous a manqué deux invités sur lesquels nous comptions. Ah, fit Antoinette, pensant à autre chose, mais voulant avoir l'air de s'intéresser à la conversation. Madame de Prailles répondit d'un ton pointu. Oui, monsieur de Bessèges d'abord. Tiens, il n'est pas allé là-bas. Si, mais après le déjeuner seulement. Comment après le déjeuner? S'écria madame d'Étiolle étonnée. Mais ce jour-là, je l'ai quitté à 10h30 aux 5 tranchées. Il avait largement le temps d'être à Liverdun avant midi. » D'un ton plus pointu encore et moqueur aussi, Madame de Prailles répliqua « C'est que il s'est arrêté en route pour regarder des choses intéressantes. »« Quelles choses ?» demanda la comtesse sans méfiance. « Mais je ne sais pas. »« Quelles choses peuvent intéresser plus particulièrement Monsieur de Bessèges ? Vous devez savoir ça mieux que moi. » Cette fois, Antoinette sentit, dans le ton de celle que Jacques de Bièvre appelle la mère Picon, une acidité plus accentuée qu'à l'ordinaire. Elle allait répondre, mais Madame de Prailles ne lui en laissa pas le temps. « Votre ami de Bièvre nous a aussi manqué de parole, » dit-elle rageusement. « Il est tout juste poli, ce monsieur. Comment »« Comment ?» demanda Antoinette surprise. « Il devait déjeuner avec vous, monsieur de Bièvre ?»« Oui, mais sans doute il a lui aussi rencontré sur sa route mieux que ce que nous pouvions lui offrir. » Et elle ajouta, devenant tout à fait agressive, « Pour un blasé comme monsieur de Bièvre, une réunion où on ne peut pas tout se permettre est un maigre régal. Et puis, il y avait des jeunes filles, et les jeunes filles, ça manque de montant. »« Pas toutes, » dit Antoinette, s'emportant malgré elle. Cette façon étrange de s'en prendre à elle, cette sortie chez le pâtissier, commençait à l'énerver singulièrement. Certes, elle comprenait l'aigreur de madame de Prailles. Elle compatissait de bon cœur aux tribulations de cette mère de deux filles laides à marier. Mais elle entendait n'être mêlée en rien à ses intrigues ni à ses potins. Et puis, qu'est-ce que ça faisait à madame de Prailles que Jacques de Bièvre fût ou ne fût pas à Liverdun? Elle espérait peut-être trouver dans Bessèges l'un des deux maris nécessaires. C'était admissible, quoique la dot des jeunes filles fût insuffisante pour compenser leur disgrâce. Mais Jacques, qu'est-ce qu'elle en pouvait bien vouloir faire? Elle le savait très riche, très difficile en fait de femme, et surtout absolument déterminée à ne se jamais marier. Alors, quoi ? Vous avez fini de goûter ? Questionna madame de Prailles, en voyant la comtesse remettre son gant. Nous sortons en même temps que vous ? Antoinette demanda en riant. Vous avez encore quelque chose de désagréable à me dire ? Madame de Prailles se rendit compte qu'elle avait été un peu loin. Je vous assure, chère madame, que je n'ai jamais songé à vous rien dire de désagréable. « Ah, bah alors c'est sans y songer. Voilà tout. Moi, je vous promets que je suis très innocente et que je n'ai rien fait pour vous priver de vos invités. Monsieur de Bessèges, quand je l'ai... » Elle allait dire congédié, mais elle s'arrêta devant cette dureté inutile et reprit. « Monsieur de Bessèges, quand je l'ai quitté, était très décidé à aller vous rejoindre. Quant à l'autre, je l'ai rencontré à Maron se promenant dans un costume qu'il n'aurait certainement pas mis s'il avait dû aller déjeuner avec vous. » Je crois qu'il n'a jamais eu l'intention d'aller à Liverdun. Et vous connaissez probablement mieux que moi les intentions de monsieur de Bièvre. » Elles étaient sorties de la boutique du pâtissier et marchaient dans la rue des Dominicains. Les deux jeunes filles allaient devant, suivies de leur mère et de la comtesse. Antoinette s'arrêta court et demanda à madame de Prailles, qui s'était arrêtée aussi, « Ah ça, est-ce que ça va continuer, ces petites insinuations-là » « Que voulez-vous dire, chère madame ?» « Je veux dire que cette façon de me lancer des phrases à double entente ne me va pas du tout. Ça n'est pas assez clair, ou ça l'est trop. Enfin, tel que ça est, ça me déplaît, voilà. » Elle entra brusquement dans un magasin où elle n'avait rien à faire, laissant madame de Prailles stupéfaite piquée au milieu du trottoir. Et en retournant à Étiolle, un peu engourdie par le mouvement régulier de la voiture, Antoinette rêvassait. Elle se disait qu'elle avait été bien bête de prendre toujours la défense des Prailles. L'autre jour, encore, c'était elle qui avait insisté pour les faire inviter à cette partie de Liverdun. Mais qui donc avait pu raconter à la mère Picon qu'elle s'était promenée avec monsieur de Bièvre? Que Bessèges eût dit qu'il l'avait rencontrée, ça s'expliquait. Mais Jacques... et tout à coup elle se rappela que Bessèges n'était allé rejoindre les autres qu'après le déjeuner, et l'idée lui vint qu'il avait passé son temps à la suivre. Dame, elle l'avait malmené, il se vengeait. Avec sa basse nature de gommeux imbécile, il se vengeait salement, mais après tout c'était de bonne guerre, et il devait s'y attendre. Pourvu, mon Dieu, qu'on n'allait pas faire quelque potin à Guy. Elle resta un instant préoccupée, inquiète, puis se rassurant. « Bon, est-ce que ça lui ferait quelque chose? Il se soucie si peu de moi quand je ne suis pas là. » Elle arriva juste au moment où sonnait le premier coup du dîner et n'eut que le temps de s'habiller. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger, la douairière qui déployait sa serviette demanda « Est-ce que Guy n'est pas prêt ?»« Guy ?» répondit Antoinette, étonnée. « Mais je ne sais pas. Comment ? Il n'était pas à Nancy avec vous ? Mais non ! Et vous ne savez pas où il est ? Je ne m'en doute pas. » La douairière s'adressa au domestique. « Monsieur le comte n'est pas rentré ?»« Non, madame la comtesse. » Antoinette, malgré son sincère chagrin, ne put s'empêcher de sourire. Tous les jours, presque, la même chose se renouvelait. Étonnement de la douairière, interrogatoire des domestiques, etc., etc. Et au fond, elle trouvait que c'était drôle, mais ce soir, sa belle-mère semblait plus irritée qu'à l'ordinaire. Au bout d'un instant, la vieille comtesse dit « Enlevez ce couvert une autre fois, informez-vous avant le dîner si monsieur le comte est là. » Antoinette ne riait plus et regardait tristement disparaître le couvert de Guy. Elle aimait tant à voir là son bon visage épanoui, à entendre son rire joyeux. En sortant de table, les deux femmes restèrent comme la veille silencieuses en face l'une de l'autre dans le grand salon qui leur semblait désert. Antoinette avait ouvert un livre dont les lignes passaient troubles et vides devant ses yeux voilés, et la douairière, au lieu de lire l'article de la revue bleue qui paraissait l'absorber, écoutait tous les bruits du dehors, croyant toujours entendre tourner dans la cour une voiture. Plus que jamais ce soir-là, la vieille femme regrettait l'absence de son fils. Elle avait remarqué pendant le dîner la pâleur d'Antoinette, et maintenant, en voyant éclairer sous la lumière crue de la lampe ses traits tirés par l'inquiétude, elle comprenait pour la première fois que sa belle-fille souffrait et que son insouciance n'était que jouée. À chaque instant, un pli douloureux se creusait au coin de la bouche rieuse de Madame d'Étiolles, et ses yeux paraissaient s'enfoncer sous ses sourcils rapprochés dans une grande ride. À la fin, gênée par ce silence lourd, tourmentée de la contraction qu'elle sentait dans l'attitude indifférente d'Antoinette, la douairière voulut à tout prix parler. « Je crois me rappeler, » dit-elle d'une voix qui résonna lugubrement dans le grand salon vide, « que Guy devait aller demander à dîner à Jacques. » Antoinette releva la tête et la mine affectueusement anxieuse de sa belle-mère, elle devina que la douairière voyait clair dans son âme. Elle comprit l'effort fait pour la rassurer. Plus pâle, plus troublée, elle posa son livre, se mit d'un mouvement brusque à genoux devant la vieille femme et lui dit d'une voix câline assourdie par les larmes ce mot qu'elle ne lui avait jamais dit encore, « Maman ». Et comme sa belle-mère, émue et ravie, lui ouvrait ses bras, elle s'y blottit en pleurant silencieusement. Enfin, la douairière demanda, « Ma pauvre petite enfant, pourquoi ne m'avoir rien dit de vos inquiétudes ?» Elle répondit, secouant sa jolie tête d'un mouvement profondément las. « À quoi bon? Ça ne servait à rien qu'à vous inquiéter aussi. Mais je peux dire à Guy, « Oh rien, je vous en prie !» s'écria Antoinette effarée. « Il ne m'aimerait plus du tout, et même, si vous le voulez bien, à présent que nous nous sommes comprises, nous ne parlerons plus de tout cela jamais. Dites, maman, jamais. »« Non, ma chère petite, jamais. Et j'espère que Guy deviendra plus sage, plus... » Antoinette sourit. « Ça, il ne faut pas l'espérer, mais tel qu'il est, je l'aime. » « Je l'aime tant, si vous saviez. » Elle s'éloigna vivement de sa belle-mère. Dans le vestibule, Guy demandait « Est-ce que ces dames sont montées ?» Et il entra en disant « Comment, vous n'êtes pas encore couché ?» La douairière répondit « Tu le vois ? Par où donc es-tu entré ? Mais par la cour. C'est singulier. Nous n'avons pas entendu la voiture. Dame, puisque j'étais à pied. À pied, d'où viens-tu donc ? De la Rosière, où l'on m'a retenu à dîner. « Je ne voulais pas rester, mais Blainville a tellement insisté. » Puis, s'adressant à Antoinette qui s'était rassise loin de la lampe, pour qu'il ne vît pas ses yeux rougis, « Bonsoir, Toinon, ça va bien ?»« Très bien. Vous avez fait vos courses ?»« Oui. » »« Nous avons vu les Prailles. Il paraît que vous les avez rencontrés. J'ai eu ce plaisir. » »« Imaginez-vous, qu'on a organisé quelque chose pour demain. C'est assommant. On va se baigner et dîner à Beausserville. » Drôle d'idée. Pourquoi ça ? Parce que quand on a près de soi la Moselle qui est propre, il est singulier de se baigner dans la Meurthe qui est sale. Alors vous ne vous baignerez pas ? Mais je n'irai pas à Beausserville. Oh ! Fit le comte, désappointé. Moi qui me réjouissais de montrer à ces dames à quel point vous nagez bien. Vous le leur raconterez, ça leur fera plaisir. Distrait, tout à son idée, il ne comprit pas qu'elle blaguait et il dit : Ça ne sera pas la même chose. Après un silence, il reprit : Elles sont enragées, ces dames. Tous les jours, il faut trouver quelque chose de nouveau. On ne peut jamais être tranquille. Antoinette savait que son mari était ravi de ce qu'il affectait de blâmer, et cette mauvaise foi évidente l'exaspérait plus que tout. La douairière, agacée aussi, s'écria : Si ça t'ennuie, pourquoi vas-tu là-bas ? Tu n'es pas indispensable que je sache. Il regretta d'en avoir trop dit. Non, je ne suis pas indispensable, non, certainement. Mais on ne peut pas non plus vivre comme un ours, ou passer pour un poseur. La vieille femme insista. Jacques ne passe pas pour un poseur, et il n'est jamais de tous ces machins-là. Parce que ça l'embête, parbleu. Eh bien, si ça t'embêtait, mon enfant, tu ferais comme lui sans t'inquiéter de passer pour ceci ou pour cela. Il répondit avec embarras. Je ne dis pas que ça m'embête, mais tu as raison, ne le dis pas, car ça t'amuse énormément. Oui, tu en es arrivé, toi qui avais plus de gaieté et plus d'humour que tous ces gens-là réunis, avoir besoin d'eux pour vivre comme le poisson a besoin d'eau. Pour parler comme toi, tu les gobes. Tu trouves charmantes les géries de la petite de la Soleil et les mines altières de Madame de Blainville, et tu restes bouche bée quand Bessège, qui est un sot considérable, déclare que telle ou telle chose est chic ou pas chic. Monsieur d'Étioles se mit à rire d'un rire forcé. « Eh, maman, vous avez pris tous nos amis en grippe. Nos amis, comme tu y vas. Pour moi, sauf Blainville qui est gentil et Germaine que j'ai vu naître, tous ces gens-là sont des relations, rien de plus, et ils me sont certes bien indifférents. Ce qui m'agace, c'est de voir qu'à ce perpétuel contact, tu es en train de perdre ta personnalité. Oui, tu t'es né quelqu'un, tu deviens tout le monde. Mais maman... Et tu as peut-être raison. » Car tu es sûr ainsi de plaire à... La douairière s'arrêta devant le regard suppliant d'Antoinette, et se levant, elle ajouta « Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je dis ça. Ce sont les rabâchages de vieilles grognons. Allons, bonsoir mes enfants. » Antoinette se leva aussi. « Bonsoir maman, » dit-elle. Guy demanda, étonné et joyeux « Comment ? Toi non vous appelle maman, depuis quand ?» La douairière répondit en embrassant tendrement sa belle-fille « Depuis ce soir. » Nous avons arrangé ça ensemble.